Le lendemain, suite au retournement d'un iceberg, le Nautilus se retrouve bloqué sur la banquise. Le capitaine Nemo vient nous annoncer. Voilà 36 heures que nous sommes enfouis sous les eaux. Et déjà, l'atmosphère alourdie du Nautilus demande à être renouvelée. Dans 48 heures, notre réserve sera épuisée. Eh bien, capitaine, soyons délivrés avant 48 heures. Nous le tenterons, du moins, en perçant la muraille qui nous entoure. Je suis prêt à tout faire pour le salut commun, me confie alors le Canadien. Quelques instants après, nous voyons une douzaine d'hommes de l'équipage prendre pied sur le banc de glace et parmi eux Ned Land, reconnaissable à sa haute taille. Le capitaine Nemo était avec eux. Après 2 heures d'un travail énergique, Ned Land rentra épuisé. Ses compagnons à lui furent remplacés par de nouveaux travailleurs auxquels nous joignîmes, Conseil et moi. Quand je rentrai, après 2 heures de travail, l'atmosphère du Nautilus était déjà chargée d'acide carbonique. Et il fallait encore 5 nuits et 4 jours pour mener à bonne fin cette entreprise. Le lendemain, 26 mars, je repris mon travail de mineur en entamant le 5e mètre. Depuis 5 jours, nous vivions sur les réserves du bord. Le capitaine Nemo réfléchissait, silencieux, immobile. Visiblement, une idée lui traversait l'esprit. « L'eau bouillante » murmura-t-il. « L'eau bouillante ? » m'écriai-je. « Oui, monsieur, nous sommes renfermés dans un espace relativement restreint. Est-ce que des jets d'eau bouillante, constamment injectés par les pompes du Nautilus, n'élèveraient pas la température de ce milieu et ne retarderaient-elles pas sa congélation ? Il faut l'essayer, dis-je résolument.